Bonsoir Maëlène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, plus de 130 missions archéologiques françaises sillonnent le monde à la recherche du passé de l'humanité. Souvent sur des fronts pionniers, elles œuvrent sur des terrains parfois difficiles et fluctuent au gré des aléas de la politique internationale. Qu'en est-il de cette géopolitique de l'archéologie ? Aujourd'hui, nous savons le Mali ou le Nigeria interdit à toute recherche, comme nombre de pays bordant le Sahel. Cependant, et après de longues années, l'Iran s'entr'ouvre alors que l'Afghanistan post-Taliban a réintégré depuis longtemps plusieurs délégations archéologiques. Sur fond de guerre, le Yémen, l'Arabie heureuse, s'avère totalement inaccessible. Mais que dire de la Syrie, de ses 13 missions suspendues, dont celle de Mari, comme de l'Irak et de ses fouilles de Larsa, Weli et de tant d'autres. Ce passé, ou du moins son patrimoine, valorisé par les États au pouvoir, est aujourd'hui la proie de l'iconoclasme, du pillage, par essence irrémédiable. Pourtant, j'ai souvenir de ces années mésopotamiennes de Bagdad et du quartier de Djadriyeh qui sentait bon l'oranger. Dans le cadre de la délégation française dirigée par Jean-Louis Huot, nous œuvrions alors sur les rives de l'Euphrate à la fouille de la ville paléo-babylonienne et néo-assyrienne d'Aradoum, l'actuelle Kerbet Eddiniyeh, un temps désormais révolu. Aujourd'hui, par chance, le Louvre nous fait revivre cette histoire, celle de la Mésopotamie, de ses trésors, de sa littérature, de ses découvreurs et fouilleurs au travers d'une grande exposition au Louvre-Lens. L'histoire commence en Mésopotamie. Pour en parler, Ariane Thomas, bonjour. Bonjour. Jeune conservateur au département des Antiquités orientales du Musée du Louvre, vous êtes la commissaire de cette exposition. Si vous enseignez, vous connaissez aussi le terrain au travers de fouilles en Ouzbékistan, dans l'oasis de Boukhara, en Arabie Saoudite, mais surtout et depuis 2015, dans le Kurdistan irakien, sur le site de Bashtapa. Ariane Thomas, Rome et la Grèce sont très prégnantes dans notre culture, notre société. Il n'en va pas de même de votre Mésopotamie. Alors, plutôt que ma Mésopotamie, l'exposition, comme les musées, entend montrer que la Mésopotamie, ça peut être la Mésopotamie de tout le monde. L'exposition invite tout un chacun, ceux qui la connaissent plus ou moins bien, ceux qui la connaissent très bien, ceux qui ne la connaissent pas du tout, à venir découvrir ou redécouvrir cette antiquité qu'est la Mésopotamie, donc une histoire relativement ancienne dont on a hérité un certain nombre de choses de manière plus ou moins indirecte. Donc c'est un monde lointain mais en même temps très proche, donc une antiquité qui peut être celle de tous. À part les jardins suspendus de Babylone, et puis bien sûr la tour de Babel, on n'en connaissait rien. En fait, sans doute plus que ça, puisque l'exposition entend aussi rappeler que, au-delà de très grands mythes comme ceux que vous venez de citer, il y a des récits, des personnages, mais aussi tout un imaginaire visuel qui est passé de manière parfois inconsciente dans un imaginaire collectif, à la fois celui de notre Occident, mais on retrouve aussi des contes en Asie centrale qui empruntent à l'histoire de Gilgamesh et j'en passe. Donc c'est aussi cela qu'on veut montrer. Nabucodonosor et l'horrible Pazuzu. Voilà, Nabucodonosor, Pazuzu, après tout aussi des inventions techniques qu'on continue d'utiliser sans parfois songer aux origines mésopotamiennes d'un certain nombre d'entre elles. De fait, cette Mésopotamie a dû se réinventer d'une certaine manière car elle avait été oubliée, elle avait disparu en grande partie. Et on revient aussi sur le fait qu'au tout début de l'histoire de ce qu'on appelle les études mésopotamiennes, c'est une discipline assez récente qui a démarré démarré au milieu du 19e siècle, cette fois de notre ère. Et bien au tout début de cette discipline, on avait essentiellement des souvenirs légendaires, assez confus, transmis en particulier par la Bible et par les auteurs grecs et latins de l'Antiquité. Donc un certain nombre de légendes, je pense que certains de vos auditeurs auront entendu parler de Sémiramis, de Sardanapale, également d'ailleurs du roi Balthazar, à qui on annonce la chute de son empire. Donc toutes ces légendes, parfois qui restent encore très importantes et très connues, même donc des visiteurs qui pourraient aller à l'exposition, ont en même temps contribué, donc avec une espèce d'admiration mêlée de critique, à susciter la curiosité des premiers archéologues qui vont aller à la redécouverte des vestiges sur le sol mésopotamien au 19e. Un mot de Mossoul, Mossoul aujourd'hui totalement martyrisé. Mossoul qui vit partir l'archéologie grâce à son consulat. Consulat français. Consulat français de Mossoul qui va être le point de départ donc de consul archéologue, le premier étant Paul-Émile Botta, à qui on rend honneur aussi dans l'exposition. Paul-Émile Botta qui, de son poste consulaire, va souhaiter entamer les premières recherches archéologiques, d'abord sur le site tout à fait voisin, limitrophe de Ninive, et ensuite en se déplaçant à Khorsabad, Khorsabad qui va devenir donc le noyau initial de la collection du Louvre. Que vous présentez aussi dans votre exposition. Que l'on présente aussi dans l'exposition par un certain nombre de biais, à la fois des vestiges monumentaux, puisque c'est tout de même ça qui a rendu très célèbre Khorsabad et que nos visiteurs admirent, même s'ils peuvent quand même continuer en parallèle d'aller dans la cour Khorsabad du Louvre, que l'on n'a pas déplacée. Mais grâce à d'autres vestiges monumentaux remontés pour la première fois, donc ce sont des choses que l'on peut découvrir, qui sont inédites, mais aussi grâce à des moyens qu'on pourrait dire modernes, à l'aide d'une visite virtuelle faite exprès pour l'exposition ou de numérisation à l'échelle réelle de ces grands taureaux qui ont tellement frappé les visiteurs, eh bien on invite quand même à découvrir le site de Khorsabad dans l'exposition du Louvre-Lens. Les archéologues ont bien sûr réinventé cette Mésopotamie, mais ils ne sont pas les seuls. Il nous faut alors évoquer l'histoire de ce dernier roi de Babylone, Nabonide, qui dans les années 550-540 avant notre ère, se lança dans la recherche du passé et par là même fut le premier archéologue de l'humanité. Nabonide, au VIe siècle, roi de Babylone, est connu pour avoir souhaité retrouver des inscriptions anciennes et en particulier pour reconstruire des monuments à l'identique de l'ordre initial. En Mésopotamie, on a, du moins d'un point de vue officiel, l'usage de considérer que tout ayant été créé par les dieux, il n'y a de progrès réel que de retourner à l'ordre initial qui est celui voulu et transmis par les divinités. Il restaure par exemple le temple de Nabucodonosor. Alors, il restaure un certain nombre donc de bâtiments dans la suite de ce qu'avait déjà entamé Nabucodonosor. Donc à ce titre, petite nuance, les rois mésopotamiens, un certain nombre d'entre eux ont effectivement eu cette pratique de retrouver les inscriptions anciennes, de faire aussi recopier des inscriptions. Donc s'il est peut-être le premier archéologue par une recherche approfondie. Malgré tout, il y a aussi une tradition des rois mésopotamiens de s'inscrire dans le passé. Et pour ce qui est des reconstructions, Nabucodonosor et son père Nabopolassar avaient, en récupérant l'empire qui fera leur gloire, eu à cœur de reconstruire ce qui avait été en partie détruit à l'époque assyrienne dans leur région de Babylonie, donc dans le cœur de leur empire. Ariane Thomas, l'histoire commence en Mésopotamie, se veut un titre en hommage à Cramer, l'histoire commence à Sumer. Êtes-vous sûr que notre histoire commence bien là ? Tout dépend de ce que l'on entend par histoire. Il est évident, et je renvoie à la fois à l'exposition de nouveau, mais aussi au catalogue et au colloque qui se tiendra en lien avec l'exposition. L'histoire commence en Mésopotamie, c'est d'abord un appel pour un grand public qui, comme vous l'avez dit, ne connaît pas nécessairement si bien que ça la Mésopotamie, mais en revanche, tout le monde est assez familier des notions de préhistoire et d'histoire. À l'école, on apprend que la préhistoire s'arrête quand apparaît l'écriture. Donc, on a cette césure assez commode et qui reste aujourd'hui réelle. Elle est conventionnelle, mais elle est connue de tous. Et en effet, on considère que, même si c'est peu avant d'autres écritures, comme les hiéroglyphes égyptiens et d'autres, c'est l'écriture cunéiforme qui gagne en quelque sorte la vertu d'être la première. Vers 3200 avant notre ère, l'écriture cunéiforme apparaît et on considère donc qu'à partir de cette date approximative, eh bien, il y a des périodes historiques et on parle de proto-histoire pour ceux qui n'utiliseraient pas l'écriture, quand bien même d'autres l'emploient déjà. Alors, j'ai remarqué que ça pouvait en faire sourciller certains qui pourtant se présentaient comme proto-historiens. C'est une convention, elle est commode pour le grand public et par ailleurs, elle rend hommage à quelqu'un qui a beaucoup œuvré, quand bien même c'était il y a un certain temps, à rendre hommage à l'importance de la Mésopotamie, ce qui ne retire pourtant rien aux autres civilisations et à toute l'histoire, alors là pour le coup au sens le plus large possible, qui a pu avoir lieu avant, après, pendant. Donc c'est surtout un clin d'œil à quelqu'un qui a rendu ses lettres de noblesse à la civilisation mésopotamienne, sumérienne en l'occurrence avec Kramer, et aussi un dernier clin d'œil au fait que les Mésopotamiens, s'ils ne sont pas les seuls, ont aussi été assez soucieux de leur histoire en recopiant des inscriptions sur plusieurs siècles, en inscrivant dans les tablettes des listes dynastiques, des chroniques royales. Et donc, même si c'est un filtre, et là, pour le coup, on va peut-être pas discuter de la subjectivité de l'histoire, évidemment, c'est très filtré, mais c'est aussi une forme d'histoire qu'ils vont écrire sur les tablettes cunéiformes. Donc, c'est un peu tout ça qu'essaye de dire le titre. L'histoire commence à Sumer, c'est bien sûr un livre de Kramer, publié en 1956, une sorte de best-seller qui se vend encore. Alors évidemment, mais qui est complètement dépassé. On avance et en même temps, voilà, il y a des choses qu'il dit qui restent vraies. C'est un livre qui a surtout ce grand mérite d'avoir fait connaître une civilisation qui est réputée austère et qui pourtant peut être très vivante comme il le montre. D'ailleurs, était-il un bon épigraphiste ? On respecte toujours les personnes âgées, défuntes qui plus est. Il a surtout été un très grand assyriologue. L'épigraphie n'est-elle pas aujourd'hui sinistrée, un savoir, bien sûr, qui disparaîtrait avec le manque de spécialistes ? Il y a quand même de sérieuses écoles et des spécialistes, somme toute nombreux, et finalement d'ailleurs pas si nombreux au regard de la masse que représente le corpus de textes cunéiformes, qui est le plus important de toute l'Antiquité, qui menace ou qui promet, ça dépend le point de vue que vous avez, moi je dirais plutôt qui promet d'être encore plus important, puisqu'évidemment chaque fouille peut révéler une bibliothèque et enrichir d'autant cet immense corpus, qui est en plus extrêmement varié. C'est une des principales richesses de cette civilisation, ce qui la rend, je l'ai dit, extrêmement vivante. Et par conséquent, je dirais qu'on n'a pas trop de spécialistes, lesquels sont tout de même extrêmement compétents de nos jours. La bibliothèque de Marie, bien sûr, actuellement en Syrie, avec, on aurait en tout et pour tout, plus d'un million de tablettes. Oui, et Bibliothèque de Marie qui continue d'être étudiée de près et qui révèle à chaque fois des choses tout à fait passionnantes. L'histoire commence à Sumer, mais l'histoire de Sumer s'arrête en 2004. 2004, bien sûr, avant notre ère. Officiellement, exactement, officiellement. De manière culturelle, les textes sumériens, eux, seront recopiés. Disons, un certain patrimoine sumérien va malgré tout perdurer. Et c'est aussi le propre, ce qu'on essaye de montrer dans cette exposition. Il y a plutôt des civilisations mésopotamiennes. C'est une terre qui est au carrefour de l'Orient, qui est assez métissée, avec des vagues de population, mais aussi des individus qui circulent à travers cette terre. Et que, c'est une histoire qui est en fait à la fois compliquée et qu'on essaye de rendre simple dans l'exposition, qui est faite d'assimilation culturelle et d'évolution par lesquelles la culture sumérienne a quand même survécu, même de manière indirecte, jusqu'à la fin. Avec les grands empires, c'est bien ça. Quand même, l'histoire commence en Mésopotamie et non à Sumer, ce qui m'aurait obligé malgré tout à réduire. Pour moi, l'écriture n'est que le prolongement d'un processus commençant bien avant l'émergence des sociétés de production. Période que vous n'avez d'ailleurs absolument pas traitée dans votre exposition. Donc, Ariane Thomas, de quoi est née la Mésopotamie et Sumer ? Alors, on y revient malgré tout pour ne pas évacuer le sujet. Donc, à l'introduction, on explique en effet le début de tout. Est-ce que c'est le Big Bang? Est-ce que c'est Sapiens? Alors, pour le territoire mésopotamien, comme pour les zones voisines de l'Orient, ce serait plutôt vers 12 000, avec ce qui est assez bien connu, ce qu'on appelle le croissant fertile et un climat favorable qui permet des choses tout à fait fondamentales comme la sédentarisation, quand bien même, comme on le montre dans l'exposition, les nomades et les semi-nomades resteront, et jusqu'à nos jours, importants, mais dans l'Antiquité, ce sont une dynamique extrêmement importante. Donc, sédentarisation, premier village, invention de ce qu'on appelle le néolithique ou l'économie de production, phénomène très progressif, mais extrêmement fondamentaux, sur lesquels nous ne revenons que par allusion, dans la mesure où il faut bien avoir un propos, et que évoquer 3000 ans d'histoire était déjà un certain défi. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Ariane Thomas, cette écriture, la première de l'humanité, émerge vers 3200 avant notre ère. Quel en fut le processus ? Alors là encore, grâce à de nombreux collègues dans l'exposition, on a essayé de revenir dessus de la manière, j'espère, la plus pédagogique et en même temps la plus juste possible. Notamment grâce à des collègues du CNRS, mais aussi grâce aux œuvres elles-mêmes, puisqu'on présente l'une des plus anciennes tablettes, qu'on dit proto-cunéiforme. On voit apparaître ce code extrêmement complexe, quand bien même il a pu être précédé d'autres codes. On revient aussi donc sur l'hypothèse la plus considérée selon laquelle l'écriture naît pour des besoins économiques. Des transactions de plus en plus complexes, la Mésopotamie a des ressources, mais elle manque d'autres ressources. Elle est donc un pays qui est très tôt tourné vers l'extérieur, vers ses voisins, pour échanger. C'est ce que nous racontent d'ailleurs les mythes mésopotamiens. Et donc, conformément à certaines légendes selon lesquelles le roi d'Uruk, bien plus astucieux que les autres, invente par défi aussi l'écriture cunéiforme pour échanger avec un roi d'un pays un peu mythique, mais qui serait quelque part dans le plateau iranien, eh bien, l'écriture serait donc un code élaboré pour des besoins de comptabilité, d'économie et d'administration dans ces villes naissantes qui sont avant tout des centres d'échange et de décision. Mais, et il ne faut pas l'oublier, et on le dit aussi dans l'exposition, on a aussi des mentions de villes, très vite ce qu'on appelle des listes lexicales, qui sont donc des listes de mots. Et il n'est donc pas du tout certain que l'écriture ne serve pas très très vite à d'autres choses. Et donc on en revient à l'histoire, puisque l'écriture cunéiforme va servir à noter presque tout, des textes les plus officiels, religieux ou politiques, aux textes les plus courants et même à des badges ou à des étiquettes. Avec l'écriture, l'homme peut contrôler ce qui ne peut être atteint, il peut classer des dynasties, remonter dans le temps et le passé, écrire de l'histoire. Écrire de l'histoire, écrire sur tout ce qu'il souhaite retenir. Donc j'en reviens au fait que c'est un filtre, qu'à côté de toute une tradition orale et de la réalité historique qui nous échappe, les textes sont à la fois extraordinaires pour tout ce qu'ils nous apprennent et en même temps, apprendre avec des pincettes parce que c'est ce qu'ils ont choisi de laisser par écrit. Mais avec l'histoire, il faut se rappeler que les Mésopotamiens avaient l'avenir dans le dos et le passé face à eux. Ce qui change absolument tout. Oui, je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. C'est une conception du temps qui est d'une certaine manière cyclique. Les dieux ont tout créé, l'inspiration, tout vient des dieux. La civilisation avec ses bons et ses mauvais côtés parce qu'ils ont appris aux hommes à vivre de la meilleure des manières, mais ils leur ont aussi appris la guerre, etc. Donc tout vient des dieux, par conséquent l'ordre il est établi au départ et il n'y a de progrès que de revenir à la source. Impossible de ne pas évoquer ce texte fondateur, sublime épopée Gilgamesh, l'aventure d'un roi et de son double sauvage, Enkidu. Gilgamesh, roi d'Uruk, extrêmement fort, peut-être même un peu trop au départ, les dieux vont décider de lui envoyer un double, quelqu'un qui lui soit égal, avec qui la lutte est vaine. Alors il va d'abord évidemment lutter contre lui, mais après avoir établi qu'il n'y avait pas de victoire possible, ils vont partir pour des aventures que certains rapprochent parfois des travaux d'Hercule, ils vont partir accomplir des exploits dans le monde oriental. C'est un récit qui a été très célèbre dans l'Antiquité et qui a laissé non seulement des tablettes, mais aussi des images. Et donc, on peut admirer Gilgamesh, vainqueur d'un démon terrible qui fait trembler les montagnes au Liban, qui est le gardien de la forêt des cèdres. Il s'appelle Humbaba, qui a une tête grimaçante avec toutes les dents sorties. Qui représente d'ailleurs des viscères de mouton. C'est bien ça? Selon, disons que sur certaines représentations, ça a vraiment l'air d'être ça. Et donc, on voit Gilgamesh à la fois lui trancher la tête et ensuite marcher sur cette tête qui affirme sa victoire. Gilgamesh qui va également être célèbre dans ce récit pour voir, après la mise à mort par les dieux d'Enkidu, eh bien, va affronter la détresse à la fois d'avoir perdu son ami, mais aussi de comprendre qu'il va mourir lui aussi un jour et qu'il va donc partir cette fois seul en quête de l'immortalité. Ce qui va l'amener à rencontrer un autre héros bien célèbre, Utanapishtim, le super sage, celui qui avait survécu au déluge, les dieux ayant décidé d'exterminer l'humanité, mais l'un d'entre eux, celui qui avait créé l'humanité, protégeant ce super sage en lui recommandant de construire un bateau imperméabilisé dans lequel il va lui envoyer des animaux. Récit qui est donc rappelé dans l'épopée de Gilgamesh, même si elle fait aussi l'objet d'un récit propre pour l'histoire de Atrahasis, ce super sage, et récit qui est exceptionnellement présenté dans l'exposition grâce à un prêt tout à fait exceptionnel du British Museum. Donc on peut voir cette tablette dite du déluge qui a fait sensation dans les années 1870 quand on a découvert qu'un texte racontait le déluge bien avant la Bible. À découvrir donc Gilgamesh, un très très beau texte, notamment dans une très belle traduction de Jean Bottero. Ces textes sont souvent d'une grande fraîcheur, et j'ai souvenir de Jean-Jacques Glasner évoquant l'histoire de ce roi fou qui fit manger aux prêtres une nourriture taboue, le poireau. Il y a beaucoup de choses comme ça, étonnantes. Il y a beaucoup de choses étonnantes, d'autres étonnantes tant elles semblent proches de nous et des préoccupations qu'on pourrait retrouver dans des textes modernes. C'est ce qu'on montre dans l'exposition, avec des tablettes que l'on fait parler avec des tablettes modernes, qui sont tout bêtement des iPads, pour que l'on découvre des contrats, des textes se plaignant de tel ou tel aspect, de son médecin, de son salaire, et puis des textes historiques et religieux absolument magnifiques, qui sont des poésies qui étaient souvent chantées et qu'on peut même écouter en version originale, si je puis dire. Pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, je rappelle que nous évoquons avec Ariane Thomas la Mésopotamie et l'exposition qui vient d'ouvrir dans le cadre du Louvre-Lens. Ariane Thomas, tout semble se passer au 4e millénaire, avec notamment la naissance de la ville. Et cela vaut presque pour toute l'exposition. Vous avez cité Jean Bottero. Je lui ai aussi emprunté une très belle citation disant qu'il faut se garder de ce qu'il appelle le fantasme des origines. Le fait que à tout moment de l'histoire, justement, on cherche l'origine de tout et que si la Mésopotamie est un jalon fondamental, elle n'est pas plus que d'autres, à l'origine de tout. Par conséquent, c'est aussi, et c'est ce qui est stimulant en archéologie, un état des connaissances. Alors, il est vrai que même si, vous l'avez un peu évoqué, il y a des découvertes formidables en Iran, etc., en l'état, aujourd'hui, cette année, on peut encore dire que les villes sont apparues en Mésopotamie du Sud, dans ce qu'on appellera le pays de Sumer. À Uruk, notamment fouillé par les Allemands, et qui, grâce au prêt du Pergamon Museum de Berlin, qui a été aussi généreux que le British Museum et d'autres, eh bien, nous permet d'évoquer aux visiteurs l'apparition de ces nouveaux espaces que sont les villes et qui, à la différence des villages, se caractérisent comme étant, je l'ai dit, des centres d'échange et de décision, donc qui ont tout d'un coup de nouvelles fonctions et de nouveaux aspects, avec en plus des bâtiments très monumentaux, très décorés, et on montre même un morceau de mur. Avec la ville, nous voici devant une nouvelle organisation sociale, le vivre ensemble. disons, le vivre ensemble, sans doute, c'est une expression un peu, peut-être un peu anachronique. Toujours est-il que, en effet, c'est un nouveau mode de commercer, d'échanger, de décider, des métiers qui apparaissent, des inventions techniques. On parle souvent du tour du potier et de tas d'autres choses, d'avancées qui font qu'on commence à avoir des artisans, des administrateurs, des comptables, des rois, etc. Le principe, c'est le principe de la cité-État. Cité-État, à nouveau, terme très repris, peut-être un peu anachronique pour définir ce que l'on présente aussi dans l'exposition. Et là encore, grâce à des collègues qui ont bien voulu nous transmettre des cartes, on montre comment on passe progressivement vers une unification, même si elle est souvent provisoire, à partir de d'abord d'un territoire très divisé. Divisé donc dans ce qu'on appelle des cités-États, c'est-à-dire des petits territoires centrés autour de villes, d'une ou plusieurs villes. Alors c'est vrai que cité-État, entre le terme de cité et le terme d'État, il y a deux choses qui font sans doute un tout petit peu, qui sont pas, peut-être pas parfaites. Peut-être on peut parler de principauté, parce qu'en effet, le territoire de Monaco est très réduit et pourtant ça peut être une puissance. Alors c'est très anachronique aussi, mais c'est peut-être mieux. Que doit-on à la Mésopotamie ? Beaucoup de choses, le déluge, le plâtre, les ponts, pire, l'administration, mais aussi l'astronomie et nos jours, nos heures. Exactement, on revient aussi là-dessus en présentant, comme dans une bibliothèque mésopotamienne, tous les savoirs qui ont été réunis, à la fois donc en littérature, en mathématiques, en géométrie, en cartographie même, mais aussi et peut-être surtout donc en astronomie et en astrologie, les deux étant liés dans la mesure où on va avoir des avancées phénoménales dans la connaissance des phénomènes célestes, on va arriver à prédire les éclipses, reconnaître des planètes, faire des calendriers, compter le temps et nous laisser ce mode de comptage du temps, essentiellement parce qu'on veut identifier les messages divins. Prenons quelques objets emblématiques de cette exposition très rapidement. Le premier, le coup de roue, le fameux caillou Michaud découvert en 1786, qui est exposé. Très exceptionnel, là encore, de la Bibliothèque nationale de France et qui accueille en quelque sorte le visiteur pour lui rappeler, ce qui peut peut-être même le décomplexer, que c'est une science très jeune et qu'à la fin du 18e, quand cet objet est arrivé, apporté en France par un voyageur, eh bien, botaniste. Exactement, un botaniste, Monsieur Michaud, qui le rapporte de son voyage. Et c'est un objet très énigmatique, on ne sait rien de lui. Et on va d'ailleurs affabuler des traductions extrêmement fantaisistes pour le texte qui couvre donc ce caillou, qui est en fait un contrat sous l'égide des dieux. Et à partir de là, on relate comment on a essayé de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire et retrouver l'histoire mésopotamienne. Vous avez aussi, bien sûr, du mobilier du British Museum, les fameuses tombes royales d'Ur, notamment au travers d'une parure de femme absolument invraisemblable, de femme avec des sortes de fleurs d'or partout. Que j'invite là encore à découvrir parce que mes collègues m'ont dit qu'elle n'était pas sortie du British Museum depuis des décennies. C'est un prêt exceptionnel à côté d'autres, notamment d'autres vestiges de ces tombes royales d'Ur qui ont fait rêver, des vases d'or et d'argent, une des pailles les plus anciennes de l'histoire. Tout ça mêlant lapis lazuli, or, argent, cornaline, donc c'est à la fois extrêmement important sur le plan historique et puis surtout c'est spectaculaire. Que doit-on à la Mésopotamie ? Le Babylone de Griffiths, une chanson, River of Babylon ? By the rivers of Babylon, there we sat down. On doit à la Mésopotamie beaucoup de choses, c'est ce qu'on essaye de montrer. Il y a tout un imaginaire qui a été développé, à la fois autour de ce que la mémoire collective avait gardé de manière plus ou moins consciente de la Mésopotamie depuis la fin de l'Antiquité, et puis aussi